Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Doléances et consultations, faire passer les réformes au Moyen-Âge. Quel mot intrigant que celui de réforme. Il est du registre de celui de modernité. Vous savez, brandi sans cesse dans le discours politique. Des mots qui conviennent à tout le monde. Quel homme, quelle femme politique oserait dire « je ne suis pas moderne, je refuse la réforme ». De nos jours, le mot réforme a pris le sens de modification dans un but d'amélioration, de progrès. Mais sa signification première, eh bien, le rétablissement dans l'ordre, dans l'ancienne forme. Méfiance donc dès qu'ébrandit le mot réforme, le prince à l'écoute des doléances de sa population. Monsieur le Premier ministre, le président de la République s'adressera-t-il aujourd'hui à la nation ? Je ne pense pas, n'est-ce pas ? Mais si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. Voilà, au moins c'est clair. Georges Pompidou, Premier ministre du Général de Gaulle, s'exprime en mai 1968. Bonjour Marie Dejoux. Bonjour. Vous avez intitulé l'ouvrage que vous avez dirigé « Réformatio », le mot pour dire la réforme à la fin du Moyen-Âge, les mots, parce qu'il y en a plusieurs. Pas de chienlit hein, dans cette histoire-là de « Réformatio ». Non, mais on va le voir également, peu de réforme comme nous l'entendons aujourd'hui. C'est ça qui est passionnant dans ce travail. Comment avez-vous procédé à la recherche du mot « réforme » ? Alors, tout d'abord, il s'agit d'une enquête collective. Je tiens à le dire, je dirige cette enquête, mais sans les collègues, cette enquête ne serait rien, puisque je les ai quand même soumis à un traitement un peu rude. Il a fallu aller repérer les mots dans les sources, les verbes réformare, le lem réformatio, compter pour essayer de savoir si c'était un terme qui était fréquent à l'époque ou non. Eh bien non, il était particulièrement rare, donc vous imaginez, c'était d'autant plus difficile d'aller chercher quelque chose qui est rare. Voilà, donc merci à eux avant tout. Pour ce qui est de ces lemmes, en fait, de ces mots, il faut savoir que le mot réforme, il n'existe pas au Moyen-Âge. On préfère le terme latin réformatio, ou le verbe latin également réformare, que les médiévaux vont traduire en français par refourmement, reformer ou réformation, qui sera le terme dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Et justement, cette forme courte de réforme, elle apparaît à l'époque moderne, au moment où apparaît un autre concept que ne connaissent absolument pas les médiévaux, mais qui est essentiel pour nous, c'est la notion de progrès. Et comme vous le disiez très justement, à ce moment-là, la réforme, ça va devenir le changement, l'amélioration pour le meilleur, pour le progrès, pour le futur. Alors que nos médiévaux, eux, vivaient dans une conception du temps qui était très différente. Pour eux, le grand événement, c'était la chute, le moment où Adam et Ève quittent le paradis. Jusque-là, l'homme était à l'image de Dieu, donc sa forme était parfaite. Et l'idée de la reformation, de la réformation, c'est d'essayer de retrouver cette forme parfaite, car d'origine, car prototypale. Donc les médiévaux regardent plutôt volontiers en arrière et les réformateurs ou les reformateurs sont avant tout les conservateurs d'une forme qui était à l'origine parfaite. On voit le fossé vis-à-vis de notre conception actuelle de la réforme. C'est magique de voir comment le sens d'un mot se transforme pour dire presque l'inverse. Vous insistez d'ailleurs, Marie Dejoux, en prononçant sur le « réforme », parce que c'est refaire en fait, c'est refaire ce qui était là auparavant. D'une certaine manière, c'est retrouver la forme, une forme qui était à l'origine idéale, puisqu'elle était créée par Dieu. Et c'est intéressant de voir que dans les sources, c'est ce que montre très bien Nicolas Perrault dans le volume, le seul à être qualifié de réformateur, de reformateur dans les sources, c'est le Christ. Donc bien entendu, les hommes du temps, les hommes politiques du temps vont mettre longtemps à se mettre dans les chaussures du Christ. C'est-à-dire que quand même, il faut avoir une certaine conception de son office pour penser qu'on est capable de reformer le monde à l'image de Dieu et donc du Christ. Donc on attend quand même le 14e siècle avant que justement des rois puissent se dire reformateurs, réformateurs. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Michel Boubenitschek, bonjour. Bonjour. Et il y a un paradoxe dans tout ce qu'on vient d'entendre, c'est que ce mot de réforme est sans cesse appliqué dès qu'il y a une étude sur le Moyen-Âge avec des réformes grégoriennes. Et puis même, on pourrait dire que, juste après le Moyen-Âge, on a une réforme protestante. En fait, le mot réforme est omniprésent dans le discours, mais pas dans les sources. Tout à fait. Pas tout à fait dans les sources. Il est, en revanche, le mot de plainte, hein, de doléance l'est. C'est tout à fait important de le souligner. J'aimerais évoquer, comme Marie vient de le faire, l'évolution sémantique de ce terme qui, jusqu'au XIIIe siècle compris, est vraiment, un sens littéraire. Hein, la doléance, douloir, c'est un sens littéraire et poétique. Et c'est seulement avec le XIVe siècle, les difficultés de la guerre de Cent Ans, la nécessité aussi de faire face à l'impôt, que le terme de doléance entre dans le vocabulaire politique, devient un petit peu invasif. Et à partir du moment où les assemblées représentatives, consultatives se diffusent, devient tout à fait consubstantiel du dialogue politique de l'époque. Et il n'y a pas de réformatio sans prise en compte des doléances. Voilà, nous avons nos deux mots. Présenter la réforme avec vous, Marie Dejoux, et la doléance ou les doléances avec vous, Michel Boubenitschek. Doléance au pluriel, donc la plainte politique, voie de régulation des rapports gouvernés-gouvernants, 13e-18e siècle. C'est l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec François Foronda. Dans cette idée de doléance, bien sûr, nous avons, et là aussi c'est la lecture historique qui nous conduit à cela, immédiatement à l'esprit des cahiers de doléances, la Révolution française, les gens qui se plaignent et qui disent, ben voilà, tout ce qui ne va pas. Est-ce que ces doléances telles qu'elles sont entendues au XIIIe siècle, ça a ce sens-là ? Alors, oui, c'est intéressant, je pense qu'on l'a aussi senti dans une actualité assez récente, on a tendance à projeter sur le mot la réalité des cahiers de la Révolution française, hein, des cahiers de 1789 qui sont véritablement un archétype et qu'on a tendance à projeter également sur les siècles précédents. Alors c'est le cas pour l'Ancien Régime, c'est le cas aussi dans une moindre mesure pour la fin de la période médiévale. Mais ce qu'il faut bien comprendre, je pense, c'est que au-delà de ces doléances, de ces plaintes qui sont formalisées, institutionnalisées dans le cadre des assemblées représentatives, hein, qu'on les nomme Cortes, Assemblée d'État, Assemblée provinciale ou Parlement, eh bien, il y existe une plainte ordinaire qui fait véritablement partie de la vie de ces sociétés politiques occidentales. Hein, la plainte, ce n'est pas un vain mot. Tout sujet, quelle que soit sa place, hein, dans la société médiévale, peut se plaindre, et d'ailleurs il s'en empare. Je crois qu'il faut vraiment écarter l'idée d'un sujet qu'il soit médiéval ou moderne totalement passif par rapport à un pouvoir princière ou royal arbitraire. On a vraiment bien avant ce qu'on considère comme la période d'émergence des opinions publiques, évidemment précipitée par la presse, par les salons littéraires ou politiques, dès le Moyen-Âge, une véritable opinion publique qui n'hésite pas à s'exprimer, et les sujets eux-mêmes osent se plaindre. Alors ils osent se plaindre pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut rappeler à quoi tiennent en fait les gouvernements de l'époque médiévale, mais Marie vient d'en dire quelques mots. On a des gouvernements qui sont éminemment religieux, qui ont des gouvernants qui ont des comptes à rendre à l'autorité religieuse. Évidemment, dans les mémoires des princes, on fait bien valoir au roi, au prince, le fait qu'il aura à se justifier au jugement dernier de ses bonnes ou de ses mauvaises actions, mais sans attendre le jugement dernier, il y a un devoir d'exemplarité, de bon gouvernement, hein, on parle aussi de bien commun, et finalement tout un chacun, le sujet où qu'il se trouve, a conscience que finalement il a aussi à aider le gouvernant à bien gouverner. Ça passe par une expression des plaintes que le gouvernant ensuite doit prendre en compte et auquel il doit faire droit, hein. Donc écouter les plaintes, ça fait partie d'un bon gouvernement médiéval qui se respecte, et même les souverains ou les princes les plus autoritaires n'ont pas, j'irais, failli à ce devoir d'écoute. Je prendrai un exemple auquel on s'attendrait peut-être pas, qui est celui d'Isabelle la Catholique, hein, reine de Castille et de Léon, donc qui avait particulièrement mis en valeur l'accent qu'elle avait mis sur l'audience publique, non pour pour montrer à travers cet exemple à quel point son gouvernement était fort, était souverain, mais à quel point elle était bonne gouvernante, puisqu'elle avait une machine, entre guillemets, XXL à écouter les plaintes. Et donc, ça suffisait à faire d'elle une bonne gouvernante. Je pense que c'est un point sur lequel il faut particulièrement insister pour ces sociétés anciennes. Oui, parce qu'on a deux lectures ici que vous présentez. La bonne gouvernance, ça c'est une chose. Et puis, l'aspect très individuel lié à la religiosité, Marie de Joux, la réformatio par le souverain, c'est aussi dans son intérêt personnel. C'est en cela que c'est très intéressant de voir cette notion de réforme, parce que il faut réformer, j'utilise ce mot avec, j'espère, ce sens médiéval, enfin on le contourne. Et c'est pour lui en fait aussi qu'il a besoin de réformer. Alors, bien entendu, on pense ici à l'exemple, en fait, au moment où l'expression de réformatio regni, la réforme du royaume émerge. Elle émerge dans un contexte qui est très précis et qui est, d'une certaine manière, assez personnel, justement, puisque cette expression, elle passe comme une comète dans le vocabulaire capétien à l'époque de Saint-Louis. Saint-Louis a un conseiller qui devient pape par la suite, qui s'appelle Guy Fouquet et qui lui conseille dans son ordonnance de 1254 de prendre cette ordonnance qui est là pour moraliser les officiers, de le prendre pour la réformation en mieux de son royaume. Mais ça dure quoi ? Un an, deux ans. Ça passe à une vitesse extrême parce que c'est vraiment un vocabulaire avec lequel on n'est pas familier, on n'est pas coutumier, qui est vraiment un mot qui vient de l'Église et notamment de la théocratie pontificale qui, à la fin de la réforme grégorienne, va prétendre faire la réformatio ecclésiae, la réformation de l'Église, entendue comme l'institution, mais aussi comme la chrétienté tout entière. Et cette conception de la théocratie pontificale, donc de la supériorité du pouvoir du pape sur les autres pouvoirs, va se heurter en 1302 à un roi, Philippe le Bel, qui lui aussi va vouloir avoir ce type de prérogative pour son royaume. Et dans la querelle qui affronte ces deux pouvoirs, notamment sur qui est licite à choisir les évêques de France ou non, le pape va menacer Philippe le Bel de le réformer, lui et son royaume. Alors, réformer lui, c'est assez coutumier parce qu'en fait, le premier sens de la réforme, c'est une réforme individuelle. Revenir à l'image qu'on était de Dieu à l'origine, je le disais tout à l'heure. Mais réformer son royaume, il y a une charge virulente et politique qui est extrêmement forte. Donc, bien entendu, Philippe le Bel convoque une assemblée et dans cette assemblée dit qu'il n'a pas attendu le pape pour réformer son royaume. Il a déjà envoyé des enquêteurs réformateurs dans son royaume, ce qui est faux, hein, cette date-là, il ne l'a pas encore fait, et qu'il n'a pas besoin du pape pour le réformer lui non plus. Et c'est ainsi que cette formule, hein, la réformation du royaume, bientôt la réforme du royaume, entre en politique dans le domaine français à la faveur d'un conflit de souveraineté dans lequel le roi ne peut pas apparaître en dessous du pape. Donc véritablement, c'est lui qui prendra désormais en charge la réformatio regni et ensuite ce lemme pendant un temps, ce mot, cette formule va devenir un mot d'ordre de l'action politique capétienne et va être répercuté en fait jusqu'à ce que ce terme-là aussi commence à sentir le soufre un peu à partir du concile de Constance où le pape lui-même va être accusé de mener une action anti-réformatrice par les conciles. Donc l'Église va sagement reculer, ne va plus employer ce terme-là. Elle préférera celui de restauration. Plus tard, beaucoup plus tard, celui d'aggiornamento de l'Église. Enfin, la réforme va commencer véritablement à sentir le soufre. Et voilà, et ce qui nous a aussi intéressé dans ce volume, c'est voir que c'est un mot, la réforme, la réformatio, qui a un passé, mais qui a aussi un passif. Et le premier, en fait, l'intuition première de ce programme de recherche, je l'avais eue au moment du gouvernement Macron 1, où j'écoutais sagement la radio. Hein, je suis une grande auditrice de la radio publique. Et donc, il y avait Édouard Philippe qui venait parler de réparer la France et Emmanuel Macron qui parlait du re-engineering de l'État, mais surtout pas du mot réforme, dont on sentait que dans cette volonté macronienne de disruption, il fallait éviter des mots qui paraissaient un peu teintés. Et je me suis demandé, mais est-ce que pour la médiévale, c'est pareil, l'époque médiévale, est-ce que ce terme-là, certains souverains l'ont évité? Est-ce que d'autres expériences politiques l'ont au contraire brandi? Je me suis demandé s'il y avait aussi un passif. Et pour identifier le passif, on a rédigé collectivement le passé de cette réforme. Réformatio, les mots pour dire la réforme à la fin du Moyen-Âge, publié aux éditions de la Sorbonne sous votre direction, Marie Dejoux, avec cette évolution bien sûr des choses et cette mise en garde que vous nous avez offerte en tout début d'émission. L'idée de progrès est quelque chose de récent, de toujours regarder vers l'avenir, mais que pendant longtemps, la référence était le passé. Michel Boubenitchek, pour les doléances, il y a là aussi une histoire à raconter. Parce que la doléance, nouveauté, non. Il y a une continuité de l'écoute, en fait, de ceux qui ne sont pas contents. Tout à fait. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ce qui nous intéressait, là aussi, je précise, je n'ai pas eu le temps de le faire, comme pour Marie, qu'il s'agit là que l'ouvrage que vous avez, la gentillesse de citer tout à l'heure, est un ouvrage collectif, hein, donc dirigé par François Fonda et moi-même, avec cette interrogation, née d'une interrogation personnelle, de l'omniprésence dans les sources sociales et politiques, surtout du Moyen-Âge tardif, de plaintes génériques, ordinaires, si je puis dire, en dehors du champ un peu spécifique, des plaintes institutionnalisées dans le cadre des États et des assemblées représentatives à partir du moment où elles s'instaurent en Europe et se généralisent, hein, c'est-à-dire grosso modo le 13e et le 14e siècle. On parle des Cortes, du Parlement anglais ou des assemblées d'État ou provinciales en France ou des diètes dans l'Empire. Donc on a ces assemblées représentatives, évidemment, sont des machines à susciter, hein, des plaintes. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater que, en dehors de ces moments très institutionnalisés, qui sont d'ailleurs assez ponctuels et assez rares finalement sur la longue durée, hein, puisque on pourra y revenir, mais en fait ces assemblées, elles sont motivées par des périodes un peu particulières, des situations de guerre, de crise économique, où, soyons assez clairs, on suscite le dialogue pour arracher le consentement à l'impôt, hein, et à la taxation. C'est un petit peu comme ça qu'il faut le résumer, même si au risque de certains dangers, puisque lorsqu'on évidemment commence à dialoguer, eh bien on va susciter non seulement l'expression de plainte, mais l'envie d'une co-gouvernance ou d'une co-participation au pouvoir, hein, et ça peut aller relativement loin. L'épisode, je pense, de la Révolution parisienne de 1356 est dans toutes les mémoires, où finalement le résultat, c'est quand même la mise sous contrôle du gouvernement royal, un peu après la captivité du roi Jean II à Poitiers. Mais en dehors de ces épisodes très particuliers, donc on suscite le dialogue pour faire face à des difficultés ponctuelles, politiques, fiscales, eh bien on constate, hein, tout historien du politique et du social au Moyen-Âge travaille sur des plaintes. C'est ça qui est assez passionnant. Il existe une plainte ordinaire, pas forcément d'ailleurs facile à tracer, hein, parce que Marie évoquait les enquêtes, hein, de Louis IX. Là, évidemment, on a aussi un moment historiographique, historique important où on va susciter des plaintes, la collecte de plaintes à travers l'ensemble du royaume. Mais les assemblées représentatives et ces enquêtes mises à part, les requêtes ayant valeur de plainte ou les plaintes tout court affluent un peu partout dans les dossiers d'archives, et il faut faire des recherches un petit peu, enfin multiples véritablement, pour arriver à les trouver. Et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'il en reste et comment sont-elles prises en compte ensuite, hein, par l'autorité politique, princière, royale? On constate par exemple que la plupart des décisions politiques et législatives sont nourries en fait de plaintes, et que c'est justement un des lieux où on peut les retrouver, puisque le préambule de ces ordonnances ou de ces actes de décision comporte l'allusion et même parfois la description très fine en fait, hein, de la plainte qui a donné lieu à la décision politique ou législative, la requête elle-même, enfin la plainte elle-même ayant disparu. Voilà, la plainte omniprésente dans les sources, dans la littérature médiévale. Oh, regardez un renard qui passe. Noble le lion tient assemblée plénière et écoute, aux côtés de dame fière la lionne, les doléances de ses barons. Remarquez, monseigneur, que Renard n'est pas là. Ce qui m'étonnerait, c'est qu'il vienne. Je vous écoute, Isengrin. Sire, nous faisons appel à votre justice. Renard n'a cessé de nous faire une guerre infâme. À mort ! Qu'on le pende ! Il m'a coupé la queue ! Il m'a volé ! Moi aussi ! Il m'a trompé ! Moi aussi ! À mort ! Vengeance ! Justice ! Silence ! Je suis le roi et désire certes que la justice se fasse, mais plus que tout, c'est la paix ! Je suis le roi et j'ai dit... Et ben voilà, il a dit le roi, c'est le roman de Renard adapté sur FR3 en 1980 dans le cours de l'histoire, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Hugo Renard, mais pas avec un T comme le renard du roman de Renard, Michel Boubenitschek. Dans cette assemblée du roman de Renard par exemple, on est dans quel type de plainte, de doléance? On est à quel moment? Alors, on est tout à fait dans l'expression, je dirais, d'une plainte collective, caractérisée socialement. Hein. Là, il s'agit très, très précisément, notamment, de la plainte nobiliaire hein, vis-à-vis du suzerain, hein, du prince qui reste évidemment le suzerain suprême. Ça me donne l'occasion de souligner que cette plainte politique, au Moyen-Âge, elle doit être éminemment collective. Hein. C'est une plainte qui est émise au nom, je dirais, d'un corps social, d'un groupe de pression. Et parmi ces corps sociaux, tous privilégiés, hein, je pense qu'il faut avoir en tête le fait que chaque ordre de la société a des privilèges qui ne sont pas ceux du voisin, auquel il tient très fermement. Et l'expression des plaintes, souvent, c'est l'occasion de demander le maintien de ces privilèges en dépit des avancées du temps, notamment une des grandes affaires tout de même de ces sociétés politiques de la fin du Moyen-Âge, c'est la construction de l'État, ce sont les constructions étatiques qui notamment mettent à mal un certain nombre de privilèges, en particulier nobiliaires, je pense aux privilèges d'imposer, hein. L'impôt royal se superpose aux impôts seigneuriaux et ça crée une concurrence évidemment dommageable, et puis une concurrence aussi du point de vue judiciaire, la grande affaire de ces constructions politiques centrales étant d'imposer une justice donc monarchique ou princière en attendant d'avoir une justice d'État. Enfin, c'est l'État princier ou l'État monarchique, une justice souveraine qui a tendance à coiffer et à vider les justices seigneuriales et princières et nobilières, en particulier la haute justice, de leur quintessence. Hein. Alors c'est peut-être pour prendre un exemple précis, ayant travaillé en particulier sur l'espace bourguignon de la fin du Moyen-Âge, j'aimerais prendre l'exemple du comté de Bourgogne, hein, de la comté de Bourgogne, voilà comment on dit dans ces textes, peu après l'accession au pouvoir de Philippe le Hardi, qui était le premier des grands-ducs valois de Bourgogne, donc en 1384, le duc de Bourgogne devient également comte. Et l'une des premières mesures, hein, deux ans après son arrivée au pouvoir, il promulgue le 20 mai 1386 une grande ordonnance judiciaire qui instaure l'appel au Parlement de Dole, donc sa cour souveraine hein, locale de la comté de Bourgogne. Aussitôt, évidemment, un groupe de pression nobiliaire locale se forme avec l'expression de doléances renouvelées pour demander la suppression de cette grande ordonnance. Et donc le duc va entendre ces doléances, y faire droit avec une ordonnance corrective donc promulguée un an plus tard, en 1387, dans laquelle, c'est très intéressant, donc il expose en préambule qu'il écoute les plaintes de ses sujets nobles, leur fait droit en prenant, donc en corrigeant comme il le demande l'ordonnance de 1386. Quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit en réalité que la mesure principale de 1386, qui était l'instauration de l'appel et du Parlement de Dole comme juridiction suprême, est préservée, mais qu'en revanche le prince cède sur un certain nombre de mesures, notamment fiscales liées aux fiefs mineures, mais qui étaient aussi importantes pour les nobles. Donc c'est tout là en fait de la négociation politique, promulguer une réforme qui va très loin et puis ensuite, enfin, donner l'impression qu'on recule alors qu'on préserve l'essentiel. Et voilà, ça c'est un grand classique. La comté, La comté de Bourgogne. D'où la Franche-Comté. La Franche-Comté. Eh ben voilà, on comprend tout avec vous, Michel Boubenitschek. Quant à vous, Marie Dejoux, vous avez travaillé sur les enquêtes de Louis IX Saint-Louis. On les a évoquées tout à l'heure, ces enquêtes, parce que c'est pas tout d'avoir la possibilité de s'exprimer, d'exprimer des doléances, des plaintes. Après, faut que le souverain puisse les entendre. Alors parfois, c'est le souverain qui part en quête de doléances. D'une certaine manière, on va remettre les wagons dans l'ordre pour qu'on arrive à la situation que décrivait Michel Boubenitschek, de ces assemblées, de cette plainte politique collective qui puisse remonter. Il y a d'abord des précédents, et ces précédents sont organisés à l'initiative du pouvoir royal. Alors, on se situe ici dans le règne de Louis IX. Alors, il faut d'abord faire un petit rappel, ce qui est que pour les Capétiens, le règne de Louis IX est un règne qui est important parce que les Capétiens vont se retrouver confrontés à un phénomène historique majeur, celui de la crise de croissance de leur domaine. Il ne faut pas oublier que le roi de France est seigneur en son domaine, c'est les terres qui lui appartiennent en propre, sur lesquelles il peut donc lever des taxes seigneuriales, et il est aussi roi de son royaume, donc un ensemble de terres qui est beaucoup plus large. Eh bien, sous le temps de Louis IX, sous le temps plutôt du grand-père de Louis IX, au début du règne du grand-père de Louis IX, finalement, le roi de France, ça n'est qu'un gros seigneur d'Île-de-France, pas beaucoup plus, un seigneur parmi tant d'autres. Avec Philippe Auguste, qui porte bien son nom, puisque Auguste pour augérer, augmenter, c'est celui qui a augmenté le domaine royal de manière décisive en rattachant la Normandie, le nord de la France, le roi de France va se retrouver confronté à l'espace, espace juridique de la diversité, à des nouvelles populations, d'autant plus qu'avec le père de Louis IX, Louis VIII, on va rattacher des terres languedociennes, donc avec d'autres pratiques juridiques, d'autres langues, etc., etc., etc. Donc avant de pouvoir lever un impôt sur ces nouveaux sujets, il faut d'abord se faire connaître et se faire reconnaître par ces sujets. Donc dans le règne de Louis IX, un des moyens qui a été trouvé par le monarque, c'est avant son départ à la croisade, Louis IX ne sait pas s'il va revenir, il ne sait pas combien de temps il va partir. Il a la nécessité de laisser un royaume apaisé à ceux qui vont le gouverner à sa place. Louis IX choisit de faire collecter à l'échelle de son domaine tout entier, mais également en faisant des incursions dans le royaume, des plaintes. Mais attention, ce ne sont pas des plaintes libres sur son gouvernement et son administration. En fait, il va poser une question très, très précise. Est-ce que vous êtes capable de chiffrer les dommages que moi, mes prédécesseurs et mes officiers, mes administrateurs ont pu commettre à votre encontre? Et donc, les sujets sont invités à venir se plaindre uniquement de choses qui leur ont été usurpées. Donc ça peut être des choses très très très quotidiennes, comme le bailli qui a saisi un bœuf. Donc le sujet va dire, voilà, mon bœuf à l'époque coûtait tant, j'ai pas pu labourer ma terre pendant tant d'années, je demande donc tant, et les enquêteurs doivent savoir si le prix du bœuf il y a 10 ans, combien la valeur que peut représenter le manque à gagner, etc., etc. Et puis, il peut y avoir des plaintes qui, pour le coup, sont plus celles qu'a regardées Michel. On a aussi des collectivités qui vont venir dire que le comte, par exemple, de Toulouse ne prélevait pas tel impôt, que le roi de France, depuis qu'ils sont sous la tutelle de France, le fait. Et dans ces cas-là, on a des plaintes qui ont une tonalité, on pourrait dire, beaucoup plus politique. Et donc, on voit bien le phénomène qui est à l'œuvre dans ces enquêtes que j'ai qualifiées de réparation. Il s'agit de réparer des torts de l'administration de manière en fait très chiffrée. On restitue une somme en place publique. Le plus souvent, ce sont les officiers quand même qui restituent en place publique ces fonds-là. Le roi de France, en tout cas avant la croisade, n'entreprend pas de faire restituer des sommes. Il a besoin des sommes pour partir à la croisade, donc il les garde. Mais par contre, véritablement, on a cette procédure de restitution public de biens mal acquis qui sont là pour créer du consentement à la domination royale. Le roi est bon, ces officiers, eux, peuvent être dans l'erreur et peuvent prélever des choses de manière injuste. Donc on a véritablement une entreprise de communication, de promotion du pouvoir royal à une échelle qui est complètement inédite puisque c'est à l'échelle du royaume tout entier. Et comme Louis IX, en fait, ici, applique finalement un impératif qui est un impératif religieux, à partir du XIIIe siècle, on demande aux chrétiens de restituer les biens qu'ils ont mal acquis pour pouvoir sauver leur âme. Jusque-là, ils pouvaient faire des aumônes. C'est-à-dire que, par exemple, les usuriers prélevaient taux d'intérêt sur les gens, ils pouvaient faire une petite aumône et puis leur âme était sauvée. Là, cette fois-ci, il faut aller rechercher les personnes à qui on a pris les biens mal acquis. Donc, du coup, Louis IX, pour faire passer le message de son enquête, va se servir des prêches dominicaux, des prêtres qui vont dire « Venez sauver l'âme de notre bon roi Louis. S'il vous a pris quelque chose à tort, il vous fera rendre si ses officiers ont pris quelque chose. » Donc on a véritablement une entreprise de pastorale politique qui est censée déclencher une forme d'amour pour le roi de France. Michel Houbenitschler. Oui, je voulais rebondir sur ce que Marie vient de dire comme la doléance qui ouvre un espace de communication et de négociation vis-à-vis de l'autorité et de, je dirais, de donnant-donnant finalement. Ces négociations contre légitimation de cette autorité. C'est très intéressant. On a là un exemple particulier. Ça me fait redire ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, le fait que cette plainte, elle est particulièrement prégnante à des moments où l'autorité est en quête de légitimité ou de relégitimation. Je prendrai l'exemple notamment de la seconde maison d'Anjou, hein, dans le comté de Provence, à l'extrême fin du XIVe siècle. On voit comme par hasard, auprès du prince, émerger de manière très dense une série de suppliques capitulées qui sont l'occasion pour la maison d'Anjou de renégocier finalement son pouvoir, de le faire accepter en faisant droit ou non, ou disons partiellement, à l'ensemble de ces suppliques qui émanent des communautés urbaines et villageoises du comté. Donc on voit bien qu'une sorte de contrat politique qui se crée entre ces communautés et l'autorité seigneuriale qui est récente et qui doit se faire accepter. C'est donc négociation contre légitimation. Il n'y a pas de pouvoir sans acceptation hein, de ce pouvoir. Et la doléance véritablement ouvre cet espace qui permet de négocier, de légitimer l'autorité. Oui, légitimer l'autorité, particulièrement à des moments d'intense émotion, alors pas seulement populaire, mais de l'ensemble de la société, par exemple dans le cas de Saint-Louis, la croisade. Saison de France. La Provence, à son tour, ajoute une nouvelle fête à tant de fêtes. Une nouvelle nuit à tant de nuits. Aigues-Mortes accueille en effet à 7 siècles de distance Sa Majesté le roi Louis IX au départ de la 7e croisade en Terre Sainte. Comme il y a 700 ans au pied des remparts, les moines de l'abbaye ont remis au saint roi l'acte de cession de ce qui fut jadis un grand port que les terres aujourd'hui ont ravi à la mer. Au bord des rivages méditerranéens d'où partirent jadis tant d'espoir et tant de foi, le même cérémonial a présidé à l'embarquement des troupes chrétiennes avant qu'Aigues-Mortes, animée soudain de présence ancienne, ne retourne la fête finie à la vie tranquille des vieilles cités du soleil. La 7e croisade, celle de 1248, présentée dans le journal des actualités françaises en 1948, Marie de Joux. Les enquêtes de Saint-Louis, gouverner et sauver son âme, que vous avez publié aux Presses universitaires de France. On a dans le sous-titre ici, en fait, le résumé de ce que vous nous avez dit. Quand Saint-Louis mène son enquête, il veut savoir tout le tort qu'il aurait pu causer à ses sujets, quelque part, parce que au moment de la croisade, c'est mieux de ne pas avoir de faute à porter, et aussi c'est gouverner. Oui, bien entendu, mais il faut pas non plus ouvrir la boîte de Pandore. Hein. Donc, on n'est pas là pour se plaindre véritablement du fonctionnement même de l'administration royale ou du pouvoir royal. Hein. On demande simplement aux gens de venir se plaindre de biens qu'ils peuvent chiffrer. Donc, on est quand même sur quelque chose. On voit qu'on est toujours sur un dialogue, mais un dialogue qui est quand même avec les questions qui sont imposées par celui qui sonde son peuple. Là, c'est quand même relativement réduit. Mais bien entendu, entendu, c'est gouverner et sauver son âme. Et c'est une très très belle expression qu'on doit à l'historien américain William Chester Jordan, qui parle à propos de Louis IX de redemptive governance, de gouvernement rédempteur. C'est-à-dire que l'exercice du gouvernement par le roi doit valoir le salut au roi et également par ruissellement à son peuple, mais avant tout au roi de France. Et la croisade, finalement, c'est aussi cette entreprise qui est une entreprise de conversion, de rédemption, mais qui recèle bien des dangers parce que le roi peut ne pas revenir et parce que le roi va être absent. Et ce qui est intéressant dans la croisade, c'est que c'est aussi un peu l'épreuve du feu pour le gouvernement capétien et pour cet état capétien qui est relativement neuf. C'est va-t-il réussir à tenir sans le roi de France? Les croisades sont des accélérateurs politiques. Je prends l'exemple, par exemple, avant cette croisade-ci, on peut citer celle de Philippe Auguste. Philippe Auguste, avant de partir, va créer un nouvel officier, le bailli, qui est en quelque sorte le premier fonctionnaire jusque-là. Les officiers tenaient leur charge à ferme, c'est-à-dire qu'ils achetaient leur charge de prévôt ou de sergent, et puis ils se remboursaient de cet achat en exerçant leur charge. Cette fois-ci, avec les baillis, on a la volonté de créer des officiers supérieurs qui sont rémunérés par le roi, qui ne viennent pas de la région, qui ne peuvent pas s'y insérer, qui vont circuler dans un premier temps en équipe avant qu'il n'y en ait plus qu'un, le bailli de Carcassonne, le bailli de Beaucaire, etc. On les appelle d'ailleurs sénéchaux dans le sud. Et donc, cette innovation-là, on la doit à la croisade. Et là, de nouveau, ces enquêtes de réparation qui vont en fait avoir aussi un objectif très politique, c'est-à-dire que Michel Boubenitchek parlait tout à l'heure de la justice. Il faut bien comprendre, je l'ai dit tout à l'heure, le roi de France était un seigneur parmi les autres. Certes, il était sacré, il était le roi, mais mine de rien, il avait les mêmes prérogatives sur ses terres que n'importe quel seigneur. Eh bien, il faut bien imaginer que quand on en vient à la justice, le sujet médiéval a, d'une certaine manière, le choix, quand il porte son affaire, de le porter auprès de l'officialité, c'est-à-dire du tribunal ecclésiastique de sa prévôté, mettons, mais aussi il peut le faire auprès de son seigneur, il peut décider de le faire auprès du roi de France. Et les enquêtes de Louis IX, qui sont diligentées avant la croisade, c'est aussi un moyen de faire connaître le mécanisme de la justice royale, et cette justice royale, elle va vouloir reposer sur une procédure qui est standardisable à l'échelle de tout le royaume de France, qui est donc très vaste, et de tout le domaine de France, du roi de France, c'est l'enquête. Et cette enquête, c'est extrêmement intéressant parce que jusque-là, quand on voulait démontrer son fait en justice, il fallait d'abord accuser la partie adverse du crime qu'on lui reprochait. Et on s'exposait à ce qu'on appelait à l'époque la rétroversion de la peine. C'est-à-dire que si je vous accuse Xavier Mauduit d'avoir assassiné mon compagnon, portant cette accusation-là, je vous expose à la peine de mort, mais je m'expose moi aussi à la peine de mort si je démontre mal mon fait. Donc bien entendu, la justice médiévale reposait sur le compromis, on ne va pas en arriver là. Donc on essayait, les parties essayaient de s'arranger les unes les autres. Donc ça fonctionne très bien à échelle locale, ce système-là, hein, de l'autorégulation. Mais quand on a un domaine qui est multiplié par 10 et qui est très vaste, il faut trouver d'autres types de procédures. Et l'enquête en est une. C'est quoi l'enquête ? C'est prouver son fait en convoquant 2 témoins au minimum. Et donc, dans les enquêtes de Louis IX, c'est ce qui se passe. C'est les sujets doivent d'abord formuler une plainte. Le bailli m'a pris mon bœuf, je reprends le même exemple. Et puis ensuite, il faut trouver 2 témoins qui vont dire « Oui, moi j'étais là, j'ai vu le bailli prendre le bœuf. » Il en faut 2 parce que « testus unus, testus nullus » au Moyen-Âge. Un témoin, c'est pas de témoin, donc il en faut au moins 2. Et donc, on est dans une justice qu'on pourrait qualifier de moderne, puisqu'elle repose cette fois-ci sur le témoignage et non plus sur la convocation de Dieu, comme dans l'Ordalie, où on va demander à Dieu de trancher le litige en jetant la sorcière dans l'eau ou non. Voilà. Donc on a la croisade comme catalyseur aussi. Cette justice royale est une justice qui est équitable, parce que finalement, pour pouvoir démontrer son fait, il suffit juste de trouver 2 témoins qui vont venir corroborer vos dires. Et si vous avez raison, vous pouvez gagner même contre un administrateur royal, voire contre le roi de France. Donc c'est aussi une manière de faire progresser la justice royale. On parle souvent de la justice royale qui se serait imposée. Ça serait impossible. Enfin, le roi n'a pas de force de police au XIIIe siècle pour pouvoir imposer quoi que ce soit. Donc, en effet, il faut d'abord commencer par convaincre. Et quoi de mieux pour convaincre que satisfaire ? Donc, on restitue des biens mal acquis, on montre qu'on a une justice qui est équitable, voire qu'on a une justice qui est plus bienveillante que celle des autres seigneurs, parce qu'on sait, par exemple, qu'au Parlement de Paris, il y a moins de peines de mort qui sont prononcées, par exemple, que par les autres seigneurs. Donc, il y a vraiment une sorte de forme de dumping aussi entre le pouvoir royal et les autres seigneurs pour montrer que la justice est meilleure. Et les sujets au milieu ont une offre. Hein, c'est Dan Smail, un historien américain, là encore, qui parlait de consommation de la justice au Moyen-Âge. Le sujet, c'est quel cours utiliser pour mieux faire remonter sa plainte, son fait et emporter la partie. Ça nécessite une grande connaissance de tous ces rouages. Michel Boubenitschek, j'ai tué personne. Hein. Je vous assure, c'est pas moi. Non, je voulais rebondir sur effectivement le maillage politique, enfin administratif et judiciaire tel que les princes, hein, les monarques des 13e et des siècles suivants l'instituent, notamment en France. On a un double avantage, c'est à la fois une courroie de transmission des décisions politiques, administratives, un moyen de rendre la justice au plus près des justiciables, des sujets, mais c'est aussi une soupape de sécurité, si j'ose dire, et des fusibles. Les enquêtes de Louis IX le montrent bien, c'est-à-dire que ce n'est jamais la justice du prince ou le gouvernement du prince qui est remis en cause, mais ceux qui s'en font les relais localement, parce que évidemment ce sont des mauvais relais, donc il est plus facile, il est facile du coup d'écarter hein, le mauvais officier, le mauvais bailli, et de laisser, j'irais, intacte l'aura du prince, de son pouvoir et de sa justice. Donc c'est très important, je pense, d'avoir bien en tête cette qualité, si j'ose dire, de ce statut de fusible des représentants de l'administration royale, qui sont à la fois des relais, mais aussi des relais qui peuvent sauter lorsque il y a difficulté et mauvaise application réelle ou supposée des décisions royales. Mais le roi est loin. Le roi est loin. L'enquête dure un moment. Michel Boubenitschek, comment ça se passe, ces doléances, ces plaintes? Nous connaissons bien, on imagine qu'il y a le seigneur ici, il peut y avoir le curé, puis il y a l'évêque, enfin, il y a toute une hiérarchie. Mm-hmm. La plainte ne s'adresse pas directement au roi. Il y a des rouages. Mm-hmm. Oui, il y a des rouages. Et puis je crois qu'il faut peut-être rappeler une réalité des gouvernements médiévaux, princiers ou monarchiques, c'est l'itinérance. Parce que on a effectivement à partir du XIIIe siècle une certaine sédentarisation des gouvernements, mais il y a toujours cette notion de mobilité qui est une notion évidemment éminemment seigneuriale. Hein, on l'a rappelé, la fortune elle est essentiellement terrielle. Chaque seigneur de fief doit parcourir son domaine la plupart du temps. Donc un prince cumule les domaines et on sait très bien que ces gens-là et le roi le premier d'entre eux, hein, c'est évidemment le chef de la noblesse, et celui qui, à partir du moment où le domaine royal s'étend à le plus grand nombre de domaines détenus directement, eh bien, a la nécessité de se faire connaître auprès de ses sujets. Et c'est une réalité, hein, l'itinérance des cours, le mobilier qu'on déplace, les sujets que l'on va, avec lesquels on dialogue au fur et à mesure, hein, des entrées en particulier royales ou princières dans les villes, qui sont autant de moments privilégiés pour les sujets de voir le roi et de lui porter éventuellement des plaintes. Hein, c'est au sortir de la messe, par exemple, sur l'île de la Cité, au palais. Voilà, on guette en fait ces moments de contact direct au cours desquels on peut voir et parler au prince ou au roi. Et oui, parce que le roi, il n'est pas enfermé dans son palais, il sort, il y a la messe, les cours itinérantes, bien sûr, ça c'est très important, il y a le temps du voyage, et puis parfois aussi, il y a le temps de la foire. La foire du lundi fut bien l'ancêtre de la foire de Paris. Fleurirent et brillèrent en foule d'autres foires, dont la foire de Saint-Germain, la foire de Saint-Laurent, la foire de Saint-Ovide. Saint-Germain, où les moines de l'abbaye du même nom écoulaient les surplus de leur opulence. Charlemagne la consacra par un diplôme, Philippe le Bel en abrogea le privilège, Louis XI en rétablit la tradition. Henri III s'y promena, s'y fit conspuer avec ses tendres amis. Les mauvais plaisants n'étaient pas sans esprit, mais la foire fut suspendue. Elle l'avait mérité. Quelqu'un avait osé dire sur les parts royaux « À la fraise, on reconnaît le veau ». Là encore, je vous livre un détail. Plus tard, Procopio vendit du café et pour la première fois, des garçons furent commis aux soins de servir. Là naquirent les premiers garçons de café que l'on vit en France. Ah ben on apprend beaucoup de choses. Hein. Philippe Auguste, c'est parce qu'il a agrandi le territoire. La Franche-Comté, parce qu'on disait la Comté. Et d'où vient le café? À la fraise, on reconnaît le veau. J'adore cette expression, Michel Moubenitschek. Alors, avec Henri III, conspué à la foire de Saint-Germain, nous quittons un peu le Moyen-Âge, mais c'est pas grave, parce que l'étude que vous avez co-dirigée avec François Foronda s'étend jusqu'au XVIIIe siècle sur les doléances, donc ça passe. Le roi conspué, est-ce que... Alors, c'est imaginable, oui, bien sûr, c'est une manifestation... En marge de la, du mécontentement. Alors, le roi ou le prince conspué, ça existe, hein, notamment à partir du moment où la majesté royale devient une réalité, et la lèse-majesté, je dirais le crime suprême. On trouve qu'il s'agisse du monarque ou des princes, je pense des princes du sang, comme le duc de Bourgogne que je connais un peu, hein, pour l'avoir observé de près, notamment dans les sources. Effectivement, on voit que les sujets n'hésitent pas parfois à porter des insultes envers l'autorité qui sont évidemment punies, alors généralement de fortes amendes, hein, parce que on va pas jusqu'à l'exécution capitale pour une insulte, hein, mais il s'agit quand même de la majesté du prince, donc il ne faut pas en rester là, et les registres judiciaires montrent bien que généralement c'est une forte amende qui est exigée, mais qui quand on la met en rapport avec les revenus qui sont ceux des sujets de l'époque, qu'ils soient nobles ou non nobles, est assez conséquente. Donc plusieurs dizaines de livres, voire centaines de livres, selon le statut social de l'intéressé, avec des comparaisons un peu stercoraires parfois. Voilà, le duc ne vaut pas mieux qu'un étron. On a ce type de d'insultes dans les registres judiciaires de l'époque. C'est assez intéressant. Évidemment, l'autorité publique, les représentants du prince ne laissent pas passer et exigent l'amende. Mais ça existe. Ça existe, voilà. On peut être conspué souverain en passant comme ça. À la fraise, on reconnaît le veau et le duc ne vaut pas un étron dans cette histoire. Je note un XIIIe siècle qui est un moment particulier parce que c'est le début de l'étude que vous menez, Michel Moubenitschek, sur les doléances. Le XIIIe siècle, c'est Saint-Louis. Pourquoi? Comment peut-on voir des moments particuliers? Alors, il y a l'intensité des croisades, mais les croisades sont antérieures. Qu'est-ce qui peut montrer des moments où la réformatio est plus à la mode qu'à d'autres moments? Eh bien, je le disais tout à l'heure, hein, pour ce qui est de la France, c'est aussi la lutte entre cette souveraineté royale qui s'affronte à la souveraineté papale au début du XIVe siècle, qui va être un catalyseur. Hein. Julien Théry a parlé de pontificalisation à l'époque de la monarchie française, c'est-à-dire que le roi de France va essayer de s'emparer d'outils qui étaient des outils qui étaient également ceux du pape et donc également d'expression, puisque cette réformatio, hein, que j'ai plus étudiée avec mon équipe, il faut voir l'évolution de ce sens. Je disais au début, c'est la réformatio des pères de l'Église, c'est un changement individuel. De ce changement individuel, on va passer à des éléments concrets, par exemple des bâtiments, on va réformer des églises, de l'Église avec une minuscule. On va passer au XIIIe siècle avec l'Église avec une majuscule, la réformation de l'Église tout entière. Et là, le roi de France va vouloir entendre mener la réformation de son royaume tout entier. Et dans un processus qui est un processus très vertical, à l'imitation du pape. Le roi de France va aussi pouvoir diligenter des enquêtes qui n'auront rien à voir avec les enquêtes du grand-père, hein, de Louis IX. On pense au procès des Templiers, où là, on a des enquêtes qui ressemblent à celles que le pape diligente pendant tout le IIIe siècle contre des évêques et des prélats dont il souhaite peut-être se débarrasser, hein, parce qu'ils sont une gêne politique dont on va accuser de tous les maux, d'être sodomite, d'avoir véritablement tous les vices, eh bien, Philippe le Bel va faire la même chose contre les Templiers, cette fois-ci, ce qui va permettre en fait au pouvoir royal de lancer l'action sans qu'il y ait besoin d'une accusation ou sans qu'il y ait cette démarche très individuelle de sauver son âme. Ça va être ce qu'on appelle la fama, ce qui est la réputation, mais qui est aussi la rumeur publique. Donc, simplement parce qu'on a entendu que quelqu'un était diffamé, que justement les Templiers étaient diffamés par l'opinion publique, on va pouvoir diligenter un procès qui a tout du procès en sorcellerie, hein, c'est le cas de le dire, hein, les Templiers finissent sur le bûcher, avec des accusations qui nous paraissent complètement folles et faramineuses, mais c'est aussi une manière de montrer cette souveraineté royale qui se forge à l'imitation du pape qui, lui, avait pu condamner de la sorte des évêques au siècle précédent. Vous parlez du procès des Templiers, faisons-nous plaisir, les rois maudits, bien sûr. Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay seront brûlés ce soir dans l'île aux Juifs, face au jardin du palais. La rébellion a été publique, le châtiment sera public. Messire de Nogaret rédigera l'acte. J'ai dit. J'entends que tous ici vous assistiez au supplice. Ceux qui ordonnent doivent aussi regarder. Que notre fils Charles soit lui aussi présent. Qu'on en avertisse. Mon neveu, nous venons d'assister à la fin de la chevalerie. Ah ben voilà, direct, comme ça, la fin de la chevalerie. Philippe le Bel qui évoque son fils Charles, futur Charles IV, Michel Moubenitchek, mais avec le procès des Templiers, par exemple. On est dans l'exceptionnel, et d'ailleurs, c'est sans doute pour ça que nous parlons tant du procès des Templiers, parce que pour l'exercice du pouvoir, il y a plein d'autres moyens. Avec aujourd'hui, on parlerait de corps intermédiaires. Enfin, le souverain doit prendre en compte l'ensemble. Il ne peut pas imposer directement son pouvoir. Non, il ne peut pas imposer directement son pouvoir, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, avec l'espace de négociation ouvert par la doléance, avec les corps sociaux, avec les communautés politiques, villageoises, urbaines. C'est véritablement ce temps de la négociation qui s'ouvre lorsqu'il y a plainte. Et c'est ce qui fait aussi exister, ou ce qui crée le corps social, ou certaines catégories du corps social. Ça, j'aimerais insister aussi là-dessus. La plainte, elle émerge parfois parce que la communauté politique existe déjà, mais c'est parfois l'expression de cette plainte ou la construction de cette plainte qui permet à la communauté politique de se constituer. Un exemple très, très, très intéressant dans l'Europe de la seconde moitié du Moyen-Âge, c'est notamment les communautés flamandes des Pays-Bas. Dès le 12e, 13e siècle, eh bien, on voit bien que ces plaintes émises envers l'autorité comtale, le comte de Flandre, par l'oligarchie marchande des villes flamandes, eh bien, elles sont très vite construites aussi par le petit peuple. Et c'est l'expression de cette plainte, je dirais, polysémique auprès de l'autorité qui permet véritablement à la communauté urbaine flamande de se constituer. Ce qui était au départ une plainte de l'oligarchie devient une plainte, en fait, de la communauté dans son intégralité, petit peuple et marchand. Et de cette façon-là, on voit bien que l'expression de la plainte permet véritablement à la communauté urbaine de se constituer tout au long du Moyen-Âge et même au-delà. Les communes flamandes sont vraiment redoutées par l'autorité comtale comme un adversaire politique de taille. Je prendrai juste un autre exemple, en la mort de Charles le Téméraire, lorsque Marie de Bourgogne négocie ses privilèges de gouvernement, eh bien elle doit compter avec l'expression des plaintes et les cahiers de doléances émises par les grandes communes flamandes. Donc ces privilèges tiennent compte véritablement des privilèges des villes en une sorte de contrat politique qui est alors conclu entre la souveraine et ses communautés. Pas de pouvoir sans négociation, Marie Dejoux. Peut-être un mot pour reprendre ce que disait Michel Boubenitchek sur la sociologie de ceux qui se plaignent, en fait. Où, justement, au fur et à mesure qu'on progresse dans ce Moyen-Âge tardif, la plainte s'élargit sociologiquement. Mais au début, moi, le point de départ de ma thèse, c'est que je voulais entendre la voix des faibles dans les enquêtes de Saint-Louis. Je m'étais dit, Saint-Louis, le bon roi des pauvres, vu que les pauvres n'existent pas, si j'ai envie de pouvoir travailler sur cette catégorie de la population, ces enquêtes sont le terreau privilégié. est bien raté. C'est-à-dire que Louis IX s'est plutôt intéressé à ce qu'on a appelé pour les plus basses classes les honnêtes gens des localités, des villages, les coqs de village et surtout les ordres dominants de la société. Parce que, mine de rien, au Moyen-Âge, tout le monde n'a pas le droit à la parole dans la société médiévale. Il faut quand même une certaine circonférence sociale et économique pour pouvoir avoir le droit à la parole et les plus petits en sont quand même exclus longtemps au sein de cette période. Oui, parce qu'on a un bel exemple avec Louis IX, Saint-Louis et ses enquêtes, comment le mot réforme, en fait, c'est pas du tout, et c'est même l'inverse de ce que l'on entend par réforme, c'est une utilisation par le pouvoir pour se légitimer. C'est en cela que la conversation que vous nous avez offerte toutes les deux est géniale, parce qu'on entend bien hein, la méfiance toujours autour des mots. C'est vrai que c'est bien, réforme, le sens premier, retour en arrière à ce que c'était, réformatio, les mots pour dire la réforme à la fin du Moyen-Âge et l'ouvrage que vous avez dirigé, Marie Dejoux, hein, c'est aux éditions de la Sorbonne. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et puis il y a vos enquêtes de Saint-Louis, gouverner et sauver son âme. Et j'ai pas tué votre compagnon. Et merci aussi beaucoup à vous, Michel Houbenitschek, que vous avez co-dirigé ces doléances, les plaintes politiques, voie de régulation des rapports entre gouverné et gouvernant. Et je rappelle, vous êtes professeur des universités et directrice de la fabuleuse École nationale des chartes. Merci vivement à toutes les deux. Merci à vous. Merci. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment les Égyptiens ont préservé leur identité collective à l'époque romaine ? La réflexion sur la préservation des traditions et des identités collectives a surtout concerné la période contemporaine. Mais un petit nombre d'études ont tenté d'éclairer ce point pour des époques plus anciennes. On s'est demandé, par exemple, comment les Égyptiens avaient pu conserver leur culture après la conquête hellénistique puis la domination romaine. Ces recherches ont montré que les temples avaient été des lieux privilégiés pour la préservation des traditions et des langues locales sous l'impulsion des prêtres. Au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, Hérodote avait déjà noté que les prêtres égyptiens se distinguaient par leur aspect. Ils se rasaient complètement le corps et n'utilisaient que des vêtements en lin et des souliers en papyrus. Les Romains se montrèrent particulièrement soucieux de comprendre la sensibilité culturelle et religieuse de cette province orientale. Mais tout en respectant la structure du clergé traditionnel, ils s'efforcèrent de le transformer en une sorte de caste, en codifiant l'accès à la prêtrise et le statut des prêtres. L'un des meilleurs exemples de cette politique concerne la circoncision. Une étude réalisée sur des momies a montré qu'à l'époque pharaonique, cette pratique concernait les hommes appartenant à toutes les couches et à tous les milieux sociaux. Ce rituel se pratiquait vraisemblablement au moment de la puberté, car on a pu constater que les enfants n'étaient pas circoncis. À l'époque romaine, la circoncision n'avait pas disparu, mais elle était devenue l'un des rituels permettant d'accéder à la prêtrise. C'est à l'âge de 14 ans, lors de l'accès au sacerdoce, que devait être déposée auprès des autorités la demande de circoncision. Mais pour respecter la valeur rituelle de la circoncision pour les Égyptiens, c'est dans un milieu religieux et des mains d'un fonctionnaire appartenant au clergé que l'opération était effectuée. Tel fut l'un des moyens que les Romains utilisèrent pour institutionnaliser le clergé égyptien et le transformer en un corps ou une caste. Le rôle actif qu'a joué l'État à l'époque romaine pour réglementer le clergé local en Égypte apparaît clairement aussi quand on examine l'histoire des associations cultuelles à cette époque. Ces associations, apparues, semble-t-il, au cours de la période pharaonique tardive, ont perduré pendant toute l'époque ptolémaïque et romaine. Elles étaient dévouées au culte de l'une ou de plusieurs divinités locales. Les Romains acceptèrent l'existence de ces associations, mais ils imposèrent à leurs membres une multitude de prescriptions et de règlements. On a là des exemples de la manière dont les Romains ont établi leur hégémonie sur les peuples conquis. Il ne s'agissait pas d'une politique d'assimilation culturelle, mais d'une institutionnalisation des pratiques existantes, s'appuyant sur la volonté conjointe du clergé et des fidèles. Paradoxalement, la domination romaine a donc joué un rôle important dans la persistance d'une identité collective égyptienne en codifiant ses pratiques religieuses, c'est-à-dire le noyau le plus profond de la civilisation de l'Égypte ancienne. Merci beaucoup Gérard Noiriel. Le pourquoi du comment à retrouver sur franceculture.fr et en librairie et sur l'appli Radio France. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Fudès, Jeanne Copagi, Yann Tilly, Mayo Nguizhou. Et merci à l'Institut National de l'Audiovisuel. Le cours de l'histoire à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.